Zingarella. Les pieds nus dans cette hacienda. Bohémienne, souveraine, ici chacun subit un loi. Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. Avant les Madonna, étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi, Zingarella, Zingarella. Je l'écoute dans ta voix, Zingarella, Zingarella.